nous sommes Vidéoville. Et nous sommes à 70%. La première place où on a pris nos vacances. Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 Avenue de Laurier. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Et en manchette ce soir, vache, cochon et mec croquette. Et pour mettre un peu de soleil dans cette journée ensoleillée, vos chroniqueurs, Jesse Spencer, Emmanuel C. Séguin, Tommy Garceau, Tommy Colin-Vallée, Mathieu Boudreau, Richard Zetirois, avec un house band d'un duo des îles, ainsi que notre invité Pierre-Luc Racine en direct du Brouhaha à Montréal, vous vous faites éduquer à 70%. Sublime. Merci Guillaume Blais et François Durand-Lau en house band. On les applaudit encore, s'il vous plaît. Sans eux, on viendrait de passer 30 secondes silencieuses vraiment pénibles et awkward. Bienvenue à 70%. Mon nom est Tommy Godette. Content de vous retrouver. Ça s'est bien passé la semaine passée quand mon oncle Toto vous a gardé. Ouais, Toto vous a laissé vous coucher tard. C'est bien ça. Vous êtes brossé les dents pis tout. On sent tabarnak. Donc, sinon, moi, cette semaine, en fait, j'ai été m'acheter des boîtes pour retrier mes cartes de Magic. Et je suis retombé en amour avec la chose de laquelle je vous parle à chaque semaine. Attends, Tony, t'es allé t'acheter des boîtes? Oui, parce que j'avais j'avais trop de cartes de Magic par rapport à mes places pour les serrer. Et un petit peu comme quand tu veux construire quelque chose, tu sais, il faut que tu nettoies avant comme faut pour avoir l'esprit tranquille pour bien construire. Ça me va que tu aies utilisé des boîtes, c'est que tu les aies achetées qui me gossent un peu, en fait. Ah non, mais c'est parce que ça prend des boîtes spéciales, Bruno. Ah, tu mets pas des cartes de Magic que t'aimes dans n'importe quelle boîte. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai aussi acheté 4 du Holland pour 550$. Merci. En fait, je suis rendu un investisseur. J'achète des cartes de Magic que je sais qu'ils vont valoir le trip dans 2 ans et ainsi me payer un voyage au Japon pour aller voir l'homme idéal en personne. Ça devrait être une très belle aventure. Sinon, toi, Bruno, cette semaine? Je sais pas, elle vient juste de commencer, fait que... Sinon, j'aimerais saluer Marc Petit. J'espère que ça va bien, Marc, et j'espère qu'on va se revoir avant longtemps. Sinon, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et ce vif s'appelle Pierre-Luc Racine. On l'applaudit, s'il vous plaît. J'adore ça. Ça va, Pierre-Luc? Oui, merci. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. C'est-tu ta première fois au lundi tout deux? Oui. J'ai écouté des épisodes avant. J'en ai vu sur votre Facebook pour m'a préparé et c'est le fun. Ah ouais, tu t'es préparé à 70%. Oui. J'ai tout ça, oui. OK. Comment vous vous préparez, vous, pour faire 3 bières? Premièrement, moi, je fais la recherche sur les invités. Et je fais aussi le booking, c'est-à-dire contacter les invités pour qu'ils viennent. Et aussi, je collecte les sujets que les gens nous envoient. Et je les imprime, je les découpe et je les mets dans le sac. Ouh! Oui, il y a l'ouvrage qui se fait bénévolement. Ben oui, parce que c'est Nabi qui est payé pour faire du podcast au Québec. Sinon, ça vient d'où l'idée de 3 bières? 3 bières est née à la Chic Régale. C'est une taverne au métro Charlevoix. Et moi et Yannick, on est des gros nerds d'humour. Et en discutant, on réalisait qu'il n'y avait pas encore en 2011 vraiment de podcast. À part pas de problème, il n'y en avait pas encore assez d'humoristique. On en a créé un et on a décidé d'appeler ça 3 bières. parce que vous buvez de la bière en faisant du podcast. Oui, c'est ça, et après aussi. Mais non, ça, oui, le sujet, l'idée, c'est bien simple, on pige les sujets des gens, okay. Et on en boit le temps de boire, on en parle le temps de boire trois bières, et c'est né de là, ça fait en haut de 5 ans qu'on fait ça. Là, on est content cette année, on a fait des shows à Gatineau, on a fait à Québec Comédia, on le fait la semaine prochaine au Minifest le 26. Ben oui. Et c'est ça, c'est le fun. C'est un gros 2017, ça brasse à s'apprécier. Ouais, ouais, ouais, ouais, on est content. Allez-vous faire évoluer ça puis appeler ça caisse de 12 à un moment donné, quelque chose? On n'a pas encore les budgets nécessaires pour acheter des caisses de 12. Et puis sinon, ben dans les invités que tu as eus, est-ce qu'il y en a eu un qui était plus gluant que les autres? Gluant? My God, très bonne question. Ben, demain, moi, je peux te le dire, gars, c'est Richard Zetirois, il est rendu là tout le temps. J'allais dire que demain, on soit Julien Bernacchi okay. pour la deuxième fois. Alors, invitez-moi à la place ouais. d'en inviter un pour une deuxième fois. Je suis drôle, moi aussi. Ça, après, ils sont capotés. Mais Julien, il a commencé avec nous autres, avec 70%. Ah oui, ça, on vole vos vedettes. On est comme la WWF et la WCW. On vole vos vedettes. Bon, oui. On se sent super mal de tout ça qui arrive. On vient vous raider. Ben oui. Puis sinon, toi, est-ce que tu joues à Magic? Ben, Magic, c'est un jeu créé par Richard Garfield. Oui. Et, t'as ouvert le Wikipédia. Mais en fait, chez nous, l'émission à mais il a aussi créé des jeux qui s'appellent King of Tokyo et King of New York. Okay. Et j'ai là, t'as ouvert un tab dans Wikipédia. Et, non, mais j'ai dit chez nous. Fait que j'ai joué... Pas Magic, mais je connais l'œuvre de M. Garfield. OK, ben j'aime ça la tangente que tu prends, c'est bon? Oui, oui. Ouais, ben oui, on peut l'applaudir. Ben Chris, on a eu plus de 1000 invités, c'est la première fois qu'il y en a un à me redire des affaires sur M. Sieur du Garfield. Garfield premier, enfin, premier du nom, je pense. Ben non, je pense pas, il y en avait un gros puis orange qui existait avant. Là. Chris, hein, l'humour hein, dans ce temps-là, c'est n'importe quoi. Hein? Les lundis! Ah! La lasagne! La lasagne. Ben, moi, j'aime ça les lundis à cette heure parce que je vais au brouhaha puis j'ai de la bière puis tout. Ben oui! Ben oui, puis il y a mes... Ah, check, il y a une mouche! Ben, des protéines! Une extra protéine, tout le monde voit ça de même, hein? Sinon, ça fait vraiment elfique, en tout cas. Sinon, est-ce que t'as un dinosaure préféré? Oh my God! J'aurais dû me préparer à ça, c'est vrai. Ben, j'aime... Ben, gros, quand j'étais jeune, j'aimais vraiment, gros, les triceratops parce que je les trouvais fucking badass puis nice. Puis, en vieillissant, quand j'ai appris qu'il était herbivore, j'étais vraiment déçu. Fait que je suis encore... Triceratops for life encore, mais moins, mettons. Là, OK, ouais, ouais. C'est plus parce que c'est comme un ami d'enfance que... Tu sais, il est un peu weird, mais tu l'aimes encore. Là. C'est plus ça ma relation ouais, avec comprends. Triceratops. J'ai un ami qui est devenu Flat Earther dernièrement et je vis un petit peu la même relation. Oh. Ouais, c'est difficile. Et puis, en plus, ton ami qui croit que la Terre est ronde, la Terre est plate, est-ce qu'il croit aux dinosaures aussi? Je n'ai pas vraiment posé de question. Sinon, les zéros en deux. Là. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, penses-tu que les deux peuvent exister? La Terre plate et les dinosaures, c'est pas. C'est pas comme l'un contre l'autre. Je pense pas que l'autre. C'est exclusif, là, non. Ben, j'ai appris, moi, parce que j'ai fait un petit peu de recherche pour parler à quelqu'un qui est malade, qui vient de s'informer de sa maladie un petit peu. Il y a deux visions. Il y en a qui pensent que la Terre plate, c'est juste un disque et que ça flotte comme dans le vide ou sur le dos d'une tortue, whatever. Et il y en a qui pensent que c'est comme un cylindre qui continue à l'infini et que les étoiles et tout ce qui se promène autour, ça rajoute des couches comme ça. Fait qu'on pourrait creuser jusqu'à temps que quelqu'un écarte. Attends, qu'est-ce qui est un cylindre? La Terre. le disque plat, là. On est à l'extérieur du cylindre ou non, est à l'intérieur? Non, on est sur le top du cylindre. On est sur le top d'un cylindre? D'un cylindre qui descend, À l'infini. C'est ça, parce que c'est bien plus simple de voir ça de même. Dans un... Mais les autres, tu crois pas que la Terre est plate, t'es quoi qui est cylindrique? Hein? Il voit qu'il est cylindrique, puis ça me rend... Mon Dieu, ouais, okay. Le cylindre n'est pas dans le ciel. Le cylindre est au centre de tout. Le soleil est à peu près à 4000 mètres en haut de ta tête. Faut vraiment... C'est cave en hostie, la Terre plate, là. Écoute, là, je suis pas en train... Moi, j'ai pas de misère à aller dans un monde fantastique avec des fées où on collectionne les dents des enfants et de voir que la Terre plate existe parce que je suis capable de faire des boules de feu avec mes yeux. Mais si on vit dans le vrai monde de maintenant où c'est important de clairer sa carte de crédit, la Terre plate, c'est cave en hostie! C'est... Ouais, c'est stupide. C'est vraiment stupide, là, venant d'un gars qui achète des boîtes pour mettre ses cartes magiques dedans, là. Ben... Là, tu compares du Magic et des terres plates, là, c'est deux affaires. Mais Magic, je me fais dire que les cartes, sont valides 2 ans, puis à chaque 2 ans, ils renouvellent le ah, stock. Ah non, ça en fait, c'est crime. T'as ouvert le Wikipédia pour vrai? Non, ben, je vais mettre... En fait, c'est une manière de jouer la majorité des... Chris, on vient de perdre tout le monde. Ouais. Quittez pas, on va parler. La majorité des tournois se font, ils appellent ça type 2. C'est que, dans le fond, tu prends les dernières collections. Fait que là, comme ça, t'es obligé de comme te tenir au courant de ce qui sort. Toujours d'acheter des nouvelles cartes. Et voilà. Ben, c'est aussi comme ça qu'il y a plus de valeur artificielle. Il y a des cartes, mettons, qui valent beaucoup plus cher. Puis là, quand ils sortent de ce bloc-là, ben là, ils commencent à valoir moins cher. Et ça me fait plaisir de parler de ça avec toi, Pierre-Luc. T'as l'air curieux, t'as l'air prêt à jouer. Non, mais moi, je suis comme initié-moi. Je suis ouvert à entrer dans ce milieu-là. Ben, on va t'inviter à un moment donné. C'est un gathering, pour de vrai. Puis je préfère les scattering là que le gathering des gigolos. As-tu déjà joué à Donjon? Non, mais je suis aussi familier avec Dungeon et Pathfinder, tout ça. Je suis courant, mais j'ai jamais pris le temps de le faire comme du monde. Fait que t'as eu une blonde au secondaire. Écoute, hey, j'étais tellement laid au secondaire. J'étais tellement laid, mon Dieu. Je pas dit que je suis pas vraiment meilleur aujourd'hui, mais c'était pire dans le temps. Tu te donnais comment au secondaire? Ah, mon Dieu, une note négative, là. Ah ouais? Ouais, c'est quoi, t'as fait du sport depuis, puis tu t'es poussé une barbe pour cacher les cicatrices? quand j'étais secondaire 5, après mon bal, je suis allé à Belle-Province avec des amis, et après on est allé chez nous, et j'étais tellement fucking maigre que je voyais ma bosse de poutine, genre ici, tellement j'étais fucking dégueu, là. Fait que je me suis mis à m'entraîner, puis j'ai pris du poids. Et voilà. C'est bon, ça, t'as transformé... C'est un message d'espoir. Répandu, c'est vrai, c'est toi le message d'espoir. Hein, les Tommy Colin Vallée, puis les Mathieu Boudreau de cette salle. Ouais. Vous avez, en tout cas, finissez pas votre secondaire, parce qu'il paraît que passer ça, ça allait plus difficile. On demande tout le temps à nos invités de nous faire un indicatif live. Ça veut dire qu'il faut que tu parles de 70% où tu es présentement et que tu nommes ton nom, puis après ça, tu peux nous insulter ou dire qu'on est hot, c'est pas grave. Fait qu'on t'écoute. Mon nom, c'est Pierre-Luc Racine. Je suis à 70% et je trippe à 100%. Ça se peut pas, ça. En tout cas, pour un gars qui reste assis sur sa chaise. Ouais, c'est ça. Yeah! Puis, sinon, c'est quoi le bon film que t'as vu dernièrement? J'ai vu le deuxième Guardians of the Galaxy et je l'ai fortement apprécié. Ah ouais? Oui, j'ai réalisé que Star-Lord, c'est mon personnage adopté préféré. Adopté, c'est une grosse trail, on va en reparler plus tard dans l'émission. Oui. Là, t'es rendu un expert, tu sais comment ça marche à partir de maintenant? Oui, on reçoit des gens qui viennent nous parler de sujets de plus ou moins préparés, mais avec bon cœur. Avec un minimum de motivation. Puis toi, tu gardes le micro, fait qu'hésite pas à parler quand tu veux. On parlera plus tard de te faire de la pub, puis tout. Anyway, t'en as pas besoin, c'est toi qu'il faut qu'il nous en fasse. Rendu là, Monsieur Blais? Monsieur Durand-Lo, s'il vous plaît, amenez-nous vers les nouvelles. Ah oui! Bien! Yeah. Bon. Une nouvelle étude démontre que 7% de la population des États-Unis croit que le lait de chocolat vient des vaches brunes. Hein? En effet, on estime qu'environ 16,4 millions des Américains ne savent pas que le lait au chocolat est un mélange de lait et de chocolat, croyant qu'un certain type de vache brune produit naturellement le lait qui sort directement de ses pieds. D'ailleurs, aussi, 2% des Américains pensent que le Quick aux fraises vient des vaches roses. D'ailleurs aussi. Les vaches albinos. Voyons, tabarnak. C'est une joke, ça? Non, c'est pas une joke. Ben, je veux dire... Non, c'est arrivé pour vrai, là. Ça, c'est même pas comme un manque de la mauvaise information. C'est juste un manque d'information, tout court. Ou de la connerie. Ou je sais pas, le Bible Belt, c'est-tu? Jésus, c'est la faute de Jésus! C'est ça! Aide-moi, Bruno! Je sais pas quoi dire! T'es tape par le nez! Ah, mon Dieu, je me fais bien hanter! OK, next, d'abord, qui mange du poêle? Oui, dans la ville de San Lucas, Ojitlan, au Mexique, un fermier de 60 ans aurait commencé à se battre avec un cochon pendant la nuit, menant la bête à lui arracher le pénis et trois doigts. Trois doigts, pardon. L'homme a été transporté à l'hôpital immédiatement, mais a succombé à une infection bactérienne causée par ses blessures. L'alcool aurait joué un rôle dans cet incident. Oui, l'alcool seulement. Mais 60 ans, il est... c'est une question de... C'est moral, c'est moral, c'est un principe. Mais moi, je me demande, qu'est-ce qui a déclenché la bataille pour que le monsieur soit... Le monsieur, c'est l'homme le plus susceptible au monde, là. Pour qu'il soit chez lui, qu'il fasse comme... Hey, lui puis son regard porcin. C'est ça. J'aime pas comment il me regarde. Ouais. Tu le veux, mon kit, tu vas l'avoir. Puis il l'a eu. Il l'a eu, son kit. Ah, next! Oui, ayant réussi à survivre à une descente des chutes du Niagara en 2003, Kirk Jones a décidé de tenter de reproduire son exploit récemment. L'homme qui est premier à avoir survécu aux chutes ne portant que ses vêtements lors de sa première tentative il y a 14 ans a donc décidé d'utiliser une embarcation en forme de boule afin de descendre la merveille naturelle. Les services de secours ont répondu à un appel comme quoi un objet sphérique tournoyait au pied de la chute. Jones n'était pas dans son embarcation. On n'a pas encore retrouvé son cadavre. Hey, ça, l'attention du public, à un moment donné, tu deviens high à ça. Là, ça fait 14 ans, puis depuis, Facebook existe. Ouais. Fait que là, lui, il pouvait juste partager des affaires de ses passés dans le temps. Uh-huh. Il voulait son heure de gloire, son Instagram qui déborde. Mais, ça arrivera mais, jamais. Il y a 14 ans, tu sais... Peut-être qu'il n'y avait rien, mais il y a un enfant, tout ça, puis il a vu le hamster son enfant dans une boule, puis il a fait « ça me donne une idée, ça. » J'aimerais prendre ça puis me pitcher en bas du fucking chute Niagara. Bravo, monsieur. Je savais pas que ça se faisait encore, ça, se pitcher en bas des chutes Niagara. Ouais, en fait, je sais que ça a déjà été une mode. Il y a une institutrice qui avait réussi jadis pour obtenir des fonds pour des enfants qui n'avaient besoin. C'est sûr, c'est rien de noble comme loader son Instagram de like, là, on s'entend, c'est ouais, sûr, là, mais... En tout cas, laissez-les tranquilles, pauvres chutes. Merci, Bruno. Oui. Tu vas revenir plus tard dans l'émission. Hey, on l'applaudit, il fait pas ça gratuit. Ah non, il fait ça gratuit. Bruno! Bruno! Bruno! Bruno! Hey, messieurs, on passe au prochain. Bonjour, bonjour Tony. Tu m'excuseras Tony, ça se peut j'ai de la misère à faire ma chronique aujourd'hui, j'ai perdu mes lunettes. Oui. Je pense que c'est les Babyloniens qui me les ont volées dans une tentative de me faire taire. Ça marchera pas! Alors, salut les perdus. Tony, la dernière fois, tu t'en rappelles, on s'est parlé, c'était pour vous révéler quelles vedettes n'étaient pas vraiment mortes et lesquelles, au contraire, étaient bel et bien décédées et remplacées par un clone ou un sosie. Oui. Ce soir, je poursuis ma série de chroniques sur les vérités insaisissables du merveilleux monde des célébrités avec ma propre enquête sur la transquête. Les Anglais disent « transvestigation ». Des centaines de personnes sur les internets épluchent photos après photos et visionnent vidéo après vidéo de nombreuses célébrités d'Hollywood pour nous offrir les yeux, nous ouvrir les yeux sur la vérité. Tony, la plupart, sinon l'entièreté des célébrités sont secrètement des transgenres. Me semble c'est bien plus simple de même. Les plus sagaces d'entre vous, comme celui qui s'est esclaffé là-bas, vous ne serez pas surpris par cette déclaration. Pour les autres bandes d'assoupis, vous saurez qu'un agenda transgenre sévit dans les coulisses du divertissement populaire depuis que le monde est monde. L'idée n'est pas de condamner les personnes qui se déclarent transgenre, mais bien de dévoiler que le tout Hollywood et ses branches médiatiques participent à faire avancer les aspirations d'une cabale de juifs sataniques qui vénèrent jour et nuit Baphomet, ce démon à tête de chèvre et au corps d'androgyne. On était transgenre et on est rendu démon tête de chèvre. Oui, mais quelle meilleure façon que de faire un pied de nez à Dieu que de changer son sexe hein, qu'il nous a donné. Ai-je vraiment besoin de vous décrire en détail qui tire véritablement les ficelles du jet set des stars? Je ne crois pas. Hein? Dégrouillez-vous, les bourgos. Des youtubeurs comme Rebooting Christianity et John Humanity consacrent des dizaines de vidéos à décortiquer en profondeur la physionomie de toutes vos idoles. Personne n'est à l'abri. Lindsay Lohan, Kevin Bacon, Kate Winslet ou Justin Timberlake. Ces parangons de la vertu sacrifient de leur temps pour scruter la largeur des épaules, la longueur des index versus celle des annulaires, les formes de la mâchoire et du front, l'arcure du dos et des hanches, sans oublier l'observation intense et détaillée de nombreuses poitrines masculines. Hein? Ces men boobs méritent notre attention, Tony. C'est la France, la vie! Les plus sceptiques d'entre vous me demanderaient « Mais Andrew, si toutes ces machinations visent à promouvoir un agenda subversif pouvant renverser les concepts de genre naturel et l'ordre établi, pourquoi maintenir tout cela secret? » Laissez-moi balayer votre vulgaire scepticisme d'un retentissant « Exactement! » Pour ma part, je tiens à porter à votre attention sur les personnes assises autour de cette table, hein, ou sur cette scène. Je ne vous dirai pas qui est secrètement une femme. Il est temps de voler de vos propres ailes, brave transquêteur. Je vous donnerai simplement ces pistes d'observation. Hein, épier les lignes de mâchoires. Sont-elles naturelles? Cet index n'est-il pas anormalement plus court que l'annulaire? Est-ce que ces variations de poids cacheraient des grossesses importunes? Peut-être sommes-nous tous secrètement des produits génétiquement transsexués à l'étape même de l'embryon dans la matrice utérine. Pensez-y! Calvaire, donc, va t'asseoir. Merci, Andrew! Je pense que ça commence d'ailleurs à rentrer dans le stardom québécois. Il y a Trans d'amour qui commence. J'ai des soupçons sur Trans. Ouais, ouais. De son vrai nom, Roger Rochon, genre. Sacrement. Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Il y a un processus freudien, hein, qui dit que t'oublies ce qui te rend vraiment désagréable, là, ou qui est. Fuck, on passe au prochain. Salut, Jessie. Allô. Oh, okay. Allô. Parle fort, parle fort. Allô. Salut. Allô, ça va? Ben, moi, ça va. Ça va. Aujourd'hui, je viens vous faire une chronique éducative suite à ma dernière chronique qui portait sur les dick pics que tu voulais pas voir, mais que tu avais de toute façon. Parce que si la fille te dit non ou que tu lui demandes pas, tu n'es pas supposé lui montrer ta graine en photo. Mais si jamais tu veux quand même le faire ou que la fille te dit oui, puis ben, t'as l'occasion de le faire. Je vais vous donner quelques trucs à faire ou ne pas faire. Ah, tu vas nous donner des trucs pour partager des photos de nos pénis. Ben, je dis, si t'es pour le faire, de toute façon, tu te souviens que ça soit bien fait. OK. Ou au moins que ça soit pas trop mal fait. C'est bon, c'est bon. Quand même. Il y a les backgrounds. On veut pas voir d'enfants. Que ça soit le vôtre ou celui d'un autre, on veut pas les voir. On veut pas non plus voir des mains de nains, parce qu'on pourrait croire que c'est des mains d'enfants non plus. Non, attends, je vais revenir là-dessus tantôt. Ah, encore, excuse-moi, c'est tout. Elle a pensé à tout, même aux nains. Hein? Votre blonde qui dort, on veut pas le voir non plus. Puis je pense pas qu'elle voudrait que ça arrive. Ben ouais, mais ça dépend. Je dis, c'est drôle, OK? T'sais, à la limite, t'sais, tu sais si la fille a de l'humour ou non. Pas de photo, ça bolle. Je dis, si c'est pour montrer ta graine, pas de photo, ça bolle. Sinon, c'est pas grave. Votre tatou de nombril, on veut pas voir votre tatou de nombril. Vous le cachez ou vous le faites enlever dans une clinique privée de détatouage parce que c'est là en tabarnak. Ça existe-tu des gars qui ont ça? Oui. Il y a le lutteur et acteur Dave Bautista qui a un gros soleil autour du nombril. Non, mais M&M a un soleil autour du nombril. Coïncidence? J'ai jamais vu Bautista puis Eminem dans la même pièce en même temps. Oh! Moi non plus. Votre double menton, Ça non plus, on n'est pas obligé de le voir. Je dis, c'est pas grave que vous en ayez un, mais à la limite, montrez-le pas sur la photo, tu sais. Mais comment c'est quelqu'un... On veut le focus sur le gland. Parce que la personne, genre... Ah, en dessous. Ben oui, exactement. Oui, ben, ça fait des angles différents. Genre, pis t'es trop porté à regarder la photo, tu vois pas... Tu regardes, mais tu sais, il faut que tu regardes mieux. Fait que tu ne montes pas les, tu baisses un petit peu. En fait, prenez le temps de regarder l'ensemble de l'écran de votre selle quand vous prenez la photo. Tu sais? Sinon, tu crop. À la limite, c'est ça. Tu crop, tu peux même mettre un petit filtre si tu veux, tu peux, je sais pas, tu dessines whatever. Les photos dans le miroir prises de loin, on n'a pas envie de zoom in. Mettons que ça nous tenterait de la voir, on n'a pas envie de zoom in dessus. Là, ce qu'on veut, c'est une photo de si la graine. Tu veux montrer ta graine, tu montes ta graine, tu montes pas une photo de la salle de bain. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a des situations où la salle de bain compense pour la graine? Dans le sens que... C'est comme une super belle salle de bain. Okay. C'est ça, c'est malade. Une grosse, grosse salle de bain, là, bien dure. Mais, non, mais Bruno, c'est pas la grosse salle de bain qui compte, c'est ce que tu fais c'est avec. C'est ce que tu fais avec, oui, effectivement. OK, oui. Puis ça, à la limite, mettons, tu portes, je sais pas, t'es habillé genre sexy, whatever. OK, parce que, tu sais, l'ensemble peut comme te détourner de l'attention que, en tout cas, okay. À la limite. J'imagine que t'en as peut-être déjà pris. J'ai jamais pris des dick pics de ma vie. Je trouve ça weird parce que moi, je suis marié à ma femme puis je suis ensemble depuis vraiment longtemps. C'est une bonne personne à qui être marié. Non, mais ça serait weird de m'envoyer une photo de ma graine aujourd'hui. Après, comme, ben, pourquoi il m'envoie ça? Lui? Genre, ça serait juste weird. J'avoue. Pour pimenter votre relation. Oui. Ça pourrait être une preuve si t'es kidnappé, genre. Ah, c'est très drôle, Tommy. Tu vois que je suis drôle, hein? Je serais super drôle, moi, à ton podcast. Continue. OK. Si vous prenez quelque chose pour faire une comparaison, parce que oui, il y a beaucoup de gens qui prennent quelque chose, ça peut être un rouleau papier de toilette, un rouleau de Scott Towel, une canne de Red Bull, une canne de Monster, le bras d'un enfant, c'est non. Mais si tu le fais avec le bras d'un nain, tu m'envoies la photo. Parce que je veux voir ça. Tu veux j'ai voir, jamais quoi. Vu ça encore. Un bras de nain? Oui, un bras. Si tu trouves un nain qui veut prendre son bras pour comparer ta graine, moi, je veux le voir. Mais ouais, je sais, il est pas dans les dick pics, mais dans les mains de nain pics. Par contre, c'est ça. Ben, peut-être dans non, les deux folders. C'est une denrée rare. Pour vrai, j'en ai jamais vu, donc c'est rare. On les salue. Jesse Spencer 13, j'ai mis le point. Elle existe sur Facebook, ça va bien aller. Ouais, mais non, je suis pas venue sur Facebook vraiment. Ah, OK, c'est ça, ouais. Non, c'est continue. OK. Donc, c'est ça. Quand vous prenez quelque chose, genre, pour comparer, vous prenez idéalement quelque chose qui est pas plus gros, à moins que ça soit comme. À moins que vous en ayez une tellement grosse que vous ayez besoin de quelque chose de gros pour montrer, genre, bam, tu sais, vous voulez comme la crisser à terre puis faire peur. Et moi. Toby, il est content. Ah oui, comme Toby le chien, il fallait sa queue. Oui. Un 25 cents. C'est ça, c'est prenez des notes, hein, si jamais, tu sais. C'est pratique aussi, c'est la fille dit oui, justement. C'est pas juste si jamais ça vous tente d'écœurer la fille. Et la dernière chose, c'est de ne pas envoyer de photos de votre pénis si vous n'êtes pas bandé. C'est un petit peu ordinaire. Je dis à moins que tu aies une semi-croquante, encore là, que ça soit impressionnant. Sinon, non, c'est pas grave. Tu sais, au pays, monte-la pas, attends que ça arrive, prends une photo, puis monte-la. La valeur esthétique vient avec la bandaison. Non, mais je veux dire, c'est un peu inutile, je veux dire. À moins que tu fasses un avant-après. Ah. Genre, bam-bam. Ah. Genre, ça n'a rien, mais ça va devenir bon, ça. En suivant, bien sûr, toutes les autres trucs que tu nous as donnés avant, exactement. Tu peux faire un avant-après. Ben oui, je veux dire, si t'écoutes, si tu suis mes conseils... Peut-être que la fille va faire comme « Ah, oh, finalement! » Penses-tu? Mais Jessie, par contre, j'ai une question. Parce que c'est sûrement ça que les gars espèrent. J'ai une question sur un de tes conseils. Tu as dit que tu voulais pas qu'il y ait une photo de la blonde qui dort à côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dort à côté que c'est bien d'avoir sa photo? Ben encore là, si la fille a de l'humour, oui. OK, oui. Je dis, mettons, je sais pas. Fait mettons Clémence Desrochers, ça marche. Oui. Comment? Oui! C'est sûr que oui! Quelqu'un, je sais pas, écoute, c'est une personnalité connue, oui. Ah, OK, oui. Ouais, ouais. Super. À la limite, quelqu'un, je sais pas, sous bord d'un cercueil. Une personnalité connue. Personnalité connue, oui. Le spectre vient d'exploser. Jean-Tommy est connu, vous pouvez le faire. Ah oui, moi je suis connu en Estie. T'as passé à... Ouais, ouais, ta gueule. T'as-tu fini avec ça? Ouais, j'ai fini avec ça. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jesse Spencer, mesdames, messieurs. Fait que toi, t'es marié, je savais pas ça. Oui, oui, depuis le 7 septembre 2013, je me suis marié à ma femme et on est bien contents de ça. Tu t'es marié à ta femme, ça fait deux fois que tu dis ça. Oui. OK. Ben, ça va ensemble, là. Ben oui. Ça, c'est un peu un pléonasme. Je donne des informations. Genre, non, mais j'aurais pu être marié à un homme aussi, franchement. Hein, on n'assume pas ça, l'hétéronormativité. Excusez. Mais non, mais c'est... c'est vraiment, je me suis marié à Vegas. C'est pour ça que tu le précises? En fait. De quoi? Pour être sûr que personne pense que... Ah, non, c'est juste pour... T'as-tu peur d'être... T'as-tu peur que le monde pense pris que... pour un... Il y a tout le monde... Ah, mon Dieu! Actuellement, j'ai... Actuellement, je fais aussi du stand-up et un de mes numéros que je rate ces temps-ci, je parle du fait que toute ma vie, il y a beaucoup d'hommes, justement, qui m'ont courtisé. Puis ça me dérange vraiment pas, je prends le compliment. Mais je parle de cette expérience-là d'être dans le côté receveur de cet amour-là. Hey, moi aussi, mon gars. Si je me suis fait croiser 500 fois dans ma vie, il y a 400 fois que c'est par des hommes. Je me rappelle en particulier celui qui me regardait de dos comme ça en donnant des coups de cul vers le haut. Je le salue, là, mais... Ouais, je pense que ça, ça, c'est une technique qu'il y a dans Balzac. Hein. Je pense que c'est vraiment une technique. Peut-être, hein, chacun... est disponible. Fait que, ben, merci Pierre-Luc, tu commences à être à l'aise? Oui, oui, ça va très c'est bien. C'est ton 70%, ça va bien? Oui. Est-ce que tu veux dire à nos musiciens de passer au prochain chroniqueur? Musiciens, nous passons au prochain chroniqueur. On se croirait dans Splash Mountain à Walt Disney World. C'est vraiment pas correct, Tommy. Richard, vous êtes du roi, mesdames, messieurs. Non, non, mais c'est pas correct parce que je suis venu ce soir voir mon ami Saki. Oui. Puis quand je suis rentré, qu'est-ce que tu m'as demandé? De me faire un... Hey! Vas-y. 30 ans de carrière pour 3 mois. Non, mais je veux que tu reviennes en 86. Imagine la moustache pour 80 livres de moins. Let's hey, go! Tommy! Ah, let's go, refais-les sans que je parle. Puis... Hey, Tommy! Plus long, ah, ouais! Tu niaises? Non, non, plus long! Tommy! Hey, Tommy! Ah, c'est pour moi. Hein. Non, mais okay, tu l'as perdu. Que... Un peu de décorum, on a un ancien candidat fédéral ici. Oui, j'ai été candidat du Parti Rhinocéros dans Hochelaga Maisonneuve en 1984 et j'ai eu 2000 votes. Avec le slogan est magnifique. Tabarnak, j'étais sur Wikipédia. Non, je me suis renseigné. Il passe ses journées, là. Mon slogan, c'était « Votez pour moi, ma mère va être contente ». Ah, c'est bon, ça. Mais moi aussi, j'ai fait deux fois le Rhinocéros. Pour le Parti Rhinocéros et je me suis fait enquêter par la GRC. Ben oui. Non, puis, c'est vrai. Ben, ça se peut, sûrement. 2000 votes pour un parti subversif. Mais je l'ai-tu déjà compté ici parce que j'ai pris beaucoup de drogue dans ma vie, puis il y a des prix, je me rappelle. Oui, oui, t'as parlé de mescaline souvent. Non, la mescaline, oui, mais l'affaire du Parti Rhinocéros, je l'ai jamais compté. Non, okay. Non, mais là, tu nous gardes l'anecdote pour le buffet de Porky une autre fois, là. Anyway, donc, comment tu me donnes de temps? Ou ben, le podcast là, je te donne, là, il reste 4 minutes. OK. À moins si tu fais un « Hey, Tommy! »« Hey, Tommy! » Mais qui dure, tu sais. Tu sais, un 8 fois plus long, là, tu vas avoir tout le monde est à l'aise. À voir. Let's go. La vie... Parle de drogue et de rhinocéros. La vie peut parfois être un gâchis. Chaque lundi. Non, mais... Une maîtrise en communication, puis tout ce qui me reste à faire de ma vie, c'est des « Hey, Tommy! » Ben, c'est pas... T'es rendu président de ta propre compagnie, s'il te plaît? Non, pas vice-président encore, Tommy Gaudette. Ah, OK, excuse-moi. T'es chanceux que je t'aime. Je l'aime beaucoup, Tommy, depuis qu'il m'a donné des autographes des deux filles des jumelles Shining. Ouais! Ah, ma seule passion. Richard Zetirois. Pas en arrière. OK, choisis rhinocéros ou Porky? Pierre-Luc. Oui, OK, on va entendre Porky aujourd'hui à 76% et Rhinocéros à 3 bières. OK. Comme ça, on va avoir un crossover. Hey, moi aussi, je collectionne les cartes de hockey. J'en ai peut-être autant que de cartes de Magic et j'achète régulièrement des boîtes pour classer mes cartes de hockey. Alors, je prends la défense de mon ami Tommy ici. Ah oui, ben oui. Hey, le dinosaure qui bouffe le monsieur dans la toilette dans Jurassic Park, le premier, c'est un T-Rex? Oui. Ouais. OK. Parce que moi... Question. Non, c'est parce que je suis très vieux et longtemps, j'ai vu le seul show du groupe T-Rex au Québec en 1970 à l'aréna de Pierrefonds. Et pendant longtemps, quand j'entendais parler de T-Rex, pour moi, c'était un groupe de rock. Anecdote inintéressante. Ah non, j'aime ça, t'es contre-courant tout le temps. Ouais, puis un peu après le show que j'ai vu, Mark Bolan s'est tué en frappant un arbre ou un poteau de téléphone. Hein. Ah. Alors, on a-tu choisi Porky ou... On va Porky pour aujourd'hui. OK, ben c'est ça, j'étais journaliste. Journaliste. Il y avait un journal à l'UQAM qui marchait beaucoup à l'époque. Puis j'étais chroniqueur culturel au journal et puis j'avais faim. Alors, quand je couvrais les événements culturels, je regardais toujours l'heure sur le communiqué pour choisir un événement qui avait lieu soit à l'heure du dîner ou du souper. Logique, quand c'est à 3h ou à 9h, tu t'en crises, tu ne couvres pas ça. Et là, je vois lancement du film Porky dans les studios privés de Columbia Pictures dans l'ouest de Montréal, salle de projection privée. Et j'ai très faim. Et c'est un gros, gros lancement où il y a beaucoup, beaucoup de monde. Ça a été le premier succès de la famille Greenberg qui est devenu milliardaire juste à cause de Porky. Ben oui. C'est de loin le plus gros succès et canadien. Cop, Bad Cop, ça a rapporté genre... Ça a coûté... Oui, mais c'est Greenberg aussi? Non. Mais okay. Je parle dans le cinéma canadien. Porky. Porky, c'est de loin le film qui a rapporté le plus d'argent. Et là, il y a l'écran. C'est notre Deep Throat. Oui, oui. Et là, il y a l'écran, puis à droite de l'écran, il y a un buffet comme jamais de ma vie j'ai vu de buffet. Tu sais... Quand tu parles d'une fontaine de jambon de 400$, il y avait un buffet incroyable et j'avais très faim. J'étais à l'UQAM, mais alors, tout le monde est sur scène. Puis là, tu sais, Pécassiette, les journalistes, on bouffe. Puis saumon fumé, puis crevette. Puis et là, je mange. Puis je me dis, il faut que je mange pour une semaine minimum. T'aurais dû amener des Ziploc, hein? Oui. Dans ta sacoche. Là, je bouffe. Et je suis vraiment concentré sur le buffet. Puis à un moment donné, je me tourne et tout le monde est assis dans la salle sauf moi. Et je suis devant l'écran, puis ils attendent que je m'assoie pour que le film commence. Et tu sais pas ça fait combien de temps? Non, je sais pas ça fait combien de temps, mais le monsieur Greenberg et compagnie, ils savent pas qui je suis. Alors, je peux être un chroniqueur important de journal important. Je peux être un chroniqueur international. Le lancement, c'est la première projection au monde à Montréal. Tu peux être Richard Z. Sirois. Oui. Oui, il le dit, important. Toi, t'as tellement le don de me rabaisser. C'est un réaliste, Bruno. Alors, j'ai bouffé comme un porc. Et là, quand j'ai vu que tout le monde était assis, j'ai été comme... J'ai fait le plus cool possible. Faut pas que t'aies l'air de... Parce que tu peux descendre ce film-là. Et j'ai été m'asseoir. Et à la seconde que je me suis assis sur ma chaise, le film a commencé. Il y avait hâte que tu te tosses en esti. Ma critique n'était pas très bonne dans le journal, mais je pense pas que personne... Ça reste le plus gros succès du cinéma. Est-ce que tu as parlé du buffet, au moins, dans ta chronique? J'ai parlé de saumon fumé de crevettes. Ah ouais? Oui, c'était mes premières expériences de saumon fumé de crevettes. Ben voyons, tu viens de ma table. Ben oui. Non, mais je parle d'un lancement. OK. D'habitude, c'est des petites... Mais qu'est-ce que tu préfères entre le saumon fumé et les crevettes? Oui, oui. Oh shit, c'est intime. Du bon saumon fumé à l'érable, c'est bon. C'est très, très bon. J'ai une dernière question parce que je ne suis pas techno-pantoute. Je ne sais pas comment ça marche. J'ai un gars de 17 ans qui écoute beaucoup, beaucoup de podcasts. Et là, il me dit, il faut absolument que... Mon garçon me dit, il faut absolument que tu écoutes le podcast avec Mike Ward, Simon Portelance et Pile Poil et Julien Bernatchez, que j'aime beaucoup. Les trois, je les aime beaucoup. Là, j'y ai demandé une question imbécile. Sur quel poste? Comment qu'on fait? T'es au courant que t'es dans un podcast en ce moment, là, hein? Ouais, juste qu'on mette les affaires au clair. Je pense que c'est on perdu. On parle là, mettons. Là. Tu peux programmer ton vidéo pour les enregistrer, les podcasts. Là, c'est assez facile. On est ailleurs que dans la salle. Oui. Là, Bruno, tu fucking niaises. Là, ça fait une couple de fois que tu me niaises. Non, je te jure. C'est vraiment ça qui est en train d'arriver. Hey, là. Richard. Mais, ça me rappelle. Les micros, c'est quoi fonctionnellement? Finis ça en faisant un encore Hey Tommy. Non, mais comment qu'on fait pour écouter un podcast? Mais écoute, tu me l'envoies comment? Tu me l'envoies, tu m'envoies un email, un Facebook, un message, quelque chose. On va t'envoyer un mode d'emploi sur Facebook. Ils sont sur iTunes, si tu as Android, c'est Google Play. Et la plupart sont sur YouTube. Regarde comment il a l'air de savoir de quoi tu parles en ce moment. Oui, il est comme YouTube, c'est quoi ça? Il y a des applications. Demande à ton fils, lui, il va te répondre à ça. Mais j'aimerais ça l'écouter, le podcast de Simon. Je pense pas que ça va être possible. Puis là, monsieur m'a invité à... Oui, on va t'inviter. Quand il m'a invité à son podcast, quand je suis arrivé, j'ai demandé c'était à quel poste. Puis après, il a dit AM ou FM? Déjà, mets-le au 3. Oui. Bon, ben, merci Richard. Okay. On s'en reparle. Ouais, tu veux que je décrisse? Ben ouais, on commence à être rendu là. Merci. Hey, merci Richard, vous êtes sur moi. Ouais, c'est pas facile. Richard qui a été dans Taquinons la planète, je me trompe pas. Non. Et le segment ici, c'est Taquinons Richard, je pense. Oui. Non, il était pas dans Taquinons la planète. Il était dans Sans Limite. C'est ça, je me mélangeais. Ah oui, c'est mais deux, c'est lui qui faisait tourner le stage dans Taquinons la planète, par exemple. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Dans ce temps-là, il était capable de faire des longtemps, tu sais. Mais là, les poumons tiennent plus. On l'aime en esti. Richard, t'es mon invité préféré à date. Bon ben, je pense qu'on est prêt pour le prochain. Oh! Wow, hein? As-tu entendu le slide guitar pis tout? C'est incroyable! Merci beaucoup! Tu reconnais François Durand-Lot? Oui, je le reconnais. Salut! Il est guitariste pour Les Parfaits Salauds dans le temps. Ça, ça a été quelque chose que j'ai déjà écouté, oui. C'est capoté, ça, là. On l'applaudit bien fort! Ben oui! Il est ici ce soir et il va faire fortune, il va faire deux bières! C'est un peu la réalité. Peut-être trois s'il s'en paye une. C'est vrai. C'est cœur. Hein? On vous invite tous à vous en payer une aussi. Hein? Sinon, mangez-en. Mangez-en. En Mathieu, gros. T'as pris un break aussi la semaine passée. Ça, c'est possible, ça. C'est parce que la semaine passée, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été dans le passé. J'étais au moment présent là, quand je l'ai fait. Le vrai passé. Là. Le vrai passé. J'ai essayé d'aller tuer Adolf Hitler de mes mains. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. C'est comme ça. Et j'ai un autre essai la semaine prochaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça n'a pas marché? C'est pas c'est une grosse histoire. Là. C'est pas ça que je suis venu parler. Mais okay. En gros, ça a rapport avec... non, mais c'est ça. Ça a rapport avec de l'agent orange mis à la mauvaise place. On les salue. Je veux... Oui, le frère de la Janglade, d'ailleurs. Non, ça, c'est pas la même famille. Okay. Ça, c'est oui. Ça. Non, ils sont plutôt cousins, mais bon, je veux pas... Agent, ça a déjà été un prénom très célèbre hein, pour des garçons. Mm. Non. Ça sent beau. Let's go, Mathieu, amène-nous dans le monde de Boudreau. Ben, je veux pas mélanger les cartes, Tommy, mais je réussirai jamais ce tour de magie-là si je le fais pas. Mais encore... Et anyway, ça marchera pas ce tour-là. J'ai pas de carte. Donc, à la question, doit-on accepter un hamac d'une araignée? La réponse est sans équivoque. Non! Non! À moins, bien sûr, d'en avoir besoin. On se le cachera pas, Monsieur le Président, c'est pas facile au Québec ces temps-ci de faire reconnaître notre droit au suicide assisté. Et c'est pour cette raison que je propose que les araignées puissent, en toute légalité, nous aider à suicider plus efficacement les pauvres gens en fin de vie ou problèmes de santé grave et ou traumatisme après accident, sauf dans les cas des exceptions A, E, F, G, U, H et j'en passe. Oui! Oui, c'est bon, de la pizza. C'est excellent, de la pizza. La pizza, j'en mange depuis que j'ai l'âge de manger. La pizza! La pizza, j'aime ça assez pour en avoir demandé à ma fête quand j'étais jeune. Ben, on est tous passés par là. Je ma mère me demandait, qu'est-ce que tu veux manger pour ta fête? La pizza! J'en mange encore plusieurs fois par semaine. Tu sais, je sais c'est quoi l'expérience pizza dans mon existence. J'en ai mangé juste avant de venir ici avec ma blonde. C'est vrai? On a commandé. Ouais. C'est vrai? Parce qu'il y a plusieurs manières d'obtenir cette pizza aussi. C'était la spéciale du chef. Tu sais, j'ai carrément de l'expérience. C'est ça que je veux dire. Moi, je trippais ces Ninja Turtles quand j'étais jeune. Mon préféré, c'était Michelangelo. Moi, à 10 ans, je voulais de la crème glacée sur ma pizza. Crème glacée à la pistache. Me semble que je sais un peu de quoi je parle quand je parle de pizza. J'ai peut-être pas voyagé autour du monde, hein, un peu partout pour y goûter, puis je suis pas certain c'est qui a inventé ça, mais j'ai pas peur de le dire que c'est mon mets préféré. Puis c'est sans gêne que je m'affiche semi-professionnel de la pizza s'il faut. Oui! Oui! Parce que non, je suis pas un pro. Hein. Moi, j'ai pas étudié là-dedans, la pizza. T'es pas payé, non? Non, je suis pas payé pour faire ça. J'ai pas de papier là-dedans, mais j'ai une petite idée pareille, tu sais, à force de le vivre au quotidien. Pas né de la dernière pluie, comme ils disent, hein? Fait qu'en entrevue, quand un artiste me dit que son mets préféré, c'est de la pizza, ça me touche. Quand il dit « c'est saumon fumé à l'érable », qu'est-ce que tu fais? Ça va bien sur une pizza. Oui, en effet. Oui, c'est vrai. Mais ça me touche. Ça me touche parce que moi, la pizza, j'aime ça. J'aime ça pour vrai. On avance là. Mais ça veut pas dire, par exemple, qu'à la question « La pizza, c'est-tu ton mets préféré? » La réponse est oui. Dans le fond, c'est peut-être juste une question de formulation. Le contact avec les gens. Le contact avec les gens, c'est vital pour l'humanité. Je comprends ce principe-là. Sauf que vient un moment où ça fait clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap. Le lien se brise et on passe à autre chose. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Vous pouvez le suivre chaque lundi au Brouhaha de Rosemont. Penses-tu qu'il y avait une métaphore dans ce qu'on vient d'entendre? Il y a tout le temps une métaphore, mais c'était quoi la métaphore? Excuse-moi, je suis en train d'occuper à pleurer actuellement. Ouais? Touché par l'amour de la pizza. Hey, il y a rien de plus triste qu'une mauvaise pizza. C'est pas des mecs qui tu parles, des fois ça existe même pas, une mauvaise pizza. Mais des fois, là, tu prends une pizza cheap, puis... J'étais vraiment en train d'imaginer Michael Bolton à côté de Pizza Passé Date qui dit « Donnez généreusement pour qu'on puisse rétablir les pizzas et... » Ouais, je le vois, là. Oh, ouais, ouais. Je le vois, j'essaie de trouver quelque chose de plus triste. Que des pizzas, puis non, c'est vrai. Je suis pas capable. J'ai aucune idée. Toi, c'est quoi ton mets préféré? Mettons que c'est ta fête, là, puis je suis ta mère. Là. Je suis un gros, Oui. Qu'est-ce que tu veux pour ta fête? Oh, maman, je prendrais s'il vous plaît une poutine avec des champignons de pepperoni et aussi du smoked meat, s'il te plaît. Oh, ça fait ce bump d'autre. Yeah. Oh, on va dans la bonne direction. Puis là, ben, vu qu'on est prêt pour le prochain chroniqueur puis qu'on a faim, là, je commence à voir. Ouais, on commence à avoir faim. Hein? Pourquoi? Nourrissez-nous, s'il vous plaît. Mais, let's go, les amis. Ça, ouais, pour la fin du show. Sublime, sublime. As-tu déjà été accompagné de slide guitar d'autant bonne qualité? Ah oui, la dernière fois quand j'étais transsexuel. Là. Ah, c'était toi! Oui, c'était moi! Ok, je l'avoue, c'était pas genre, c'était juste moi. Pour toi. Je l'avoue. Parce que avant de m'en venir tantôt, je me demandais, est-ce que je vais jouer Jacinthe? Mais je me souviens pertinemment que t'as dit, si tu joues Jacinthe une autre fois, t'écris ça dehors. Dans ces mots-là! Je pense pas. Je suis plus nuancé que ça, d'habitude. OK, parce que, tu sais, des fois, je joue une transsexuelle qui s'appelle Jacinthe, puis la dernière fois, j'ai parlé de fourrer un bébé dans son trou de tête, puis ça a comme mal passé. Et y étrangement, avait... hein? Ouais, parce que le terme, c'est faire l'amour, c'est pas fourré, c'est un peu décorum. Faire l'amour au bébé dans son doigt. Fait que, on parle d'autre chose et on avance. Ben justement! Ben, tu peux la refaire, Jacinthe, mais pas à chaque fois. OK, parfait. Ben, on va revenir très, très bientôt. Yeah! Ça va être bien pire que la dernière fois, je te dis. Il y a 8 personnes qui sont contentes. Ça n'a même pas rapport à fourrer une dinde, puis vraiment, littéralement, fourrer une dinde. Ça n'a aucun rapport avec ça. Je suis en train d'écrire un sketch en ce moment. Mais là, tu parlais de faire l'amour tantôt. Oui. Mon sketch a rapport avec faire l'amour. Je me disais, OK... va falloir que je parle d'une histoire qui m'est arrivée, puis que ça a besoin d'être une hostie bonne histoire. Puis moi, il m'est arrivé des affaires fucked up dans ma vie, comme vous le savez sûrement. Ben, dès que t'es un être humain, d'habitude, ça arrive. C'est ça, exactement. Mais je te dis, la meilleure histoire qui m'est jamais arrivée de ma vie, c'est que je vais vous le dire tout de suite. Je suis frère de jus avec mon père, puis John Bon Jovi avec la même femme. Frère de jus, c'est-tu comme frère de lait, nous autres? J'ai fourré la même femme que mon père, mort, puis John Bon Jovi. J'espère que c'est pas ta mère, tu ton... Là, ton père fourrait mort ou il est mort depuis? Ça, je sais pas. Mais on va y arriver, on va y arriver. OK, on t'écoute. OK. C'est pas en même temps, au moins. Et puis il y a John Bon Jovi. J'étais tellement gelé, je m'en rappelle plus, mais... Non, je pense pas que c'était pas en même temps. OK. Moi, je travaillais aux vidéos. Je pense pas que c'était pas en même temps. Tout le monde a suivi, là. On t'écoute. OK. Donc, c'était en 2010. L'histoire a commencé en 2010. Je travaillais au Super Club Vidéotron dans le temps que ça existait, puis tu pouvais louer des films. C'était cette époque-là. C'était magique. C'était merveilleux. J'en parle à toutes les semaines. Oui. Dans quelle ville ça se passe? Montréal? Ça se passe où? Montréal. Sur la rue Fleury. OK. Je suis en train de travailler au Super Club Vidéotron, puis une petite femme mène avec des petits gros totons. Une belle blonde pulpeuse, hostie. Elle arrive au comptoir et elle dit « Salut. » Elle dit « Salut. » Là, elle me dit « T'as-tu un film à me recommander? » La fille, là, c'est que je me rends compte, tabarnak, c'est une chanteuse célèbre. Mais je vais pas vous dire c'est qui à soir parce que j'ai pas le goût, genre... Kathleen! J'ai goût de... Tu sais, vu que c'est publié sur Internet, je pourrais me ramasser dans la merde, mais je vais pas le dire c'est qui. Fait que Céline est arrivée... Non, c'est pas... Claudette! Non, Claudette! OK, on va dire que c'est Claudette Dion que j'ai fourré, OK? C'est bon. Claudette Dion, elle arrive... C'est pas elle, mais c'est pas grave. Mais tu elle peux l'appeler, mettons, Mitsu G, comme ça, on ne saura pas c'est qui. Ouais, mais là, mettons des initiales. Des initiales, ouais, des initiales. Ouais, c'est ça. Nancy M. That's it. That's all I'm gonna say. Donc là, elle est là, puis elle était au Super Club Vidéotron, puis elle avait un gros film. C'est ça, elle avait un gros film, puis moi, j'étais vraiment bon pour décrire des films. Tu sais, j'étais vraiment bon pour recommander des films. J'y pars sur mon affaire. Ce film-là, il est malade, ce film-là, il est ci et ça. Elle me regarde parler pendant 30 secondes, elle dit t'es-tu célibataire, toi? Je dis ouais. Tu veux-tu mon numéro? Ouais. Rien. Là, elle me donne son numéro. Puis elle s'en va me donner un clin d'œil comme ça. Elle savait-tu que tu l'avais déjà dans sa fiche d'abonnés? Non, elle savait pas! C'est ça la beauté de mon histoire! OK, c'est bon. C'est ça la beauté de mon histoire! Mais là, elle me donne ça. Travailler dans le club vidéo, moi. Ah oui. OK, cool. Travailler dans vidéo seul. Tout le monde a travaillé dans le club. Moi aussi, j'ai travaillé dans le club vidéo. Pourquoi j'ai pas fait ça? Tout le monde. Tout le monde, tu le sais, j'ai travaillé dans le club vidéo! Chris Lavande, mais en même temps, c'était cool parce que tu peux voir tous les films gratis. Fait que c'est quand même cool. Ah non, mon boss était cheap en tabarnak. C'est vrai? Ah oui. Vous écoutez pas de films dans le club vidéo, puis vous nettoyez. Hey, tabarnak, comme toi. Donc. Fait que là, elle s'en va comme ça. Elle dit, tu me rappelleras, OK? Comme ben, ça. C'est pour ça qu'elle t'a donné le numéro. Là, j'étais comme, OK, il faut que j'appelle cette femme-là, puis j'affaure comme du monde. OK? Parce qu'elle est sûrement plus vieille que ma mère. Puis moi, ma mère, ça a tout le temps été mon fantasme. Fait que je me suis dit, cette femme-là, je vais vraiment la fourrer un de ces jours. Mais là, on la salue. Non, mais c'est quand même ça a je passé. Là. C'est ça, il y a un complexe, là, c'est Oedipe, ça, hein, je pense. Oui. Ouais, Mais là, l'affaire, c'est qu'elle s'en va, OK? Puis deux jours plus tard, je commence à sortir avec une des commis du vidéo. Fait que j'étais comme, je me sentais cheap un peu de la tromper. Fait que je me suis dit, OK, peut-être qu'elle le saura pas. Je vais en fourrer, tu sais. Là, j'ai eu une blonde, tout ça. Puis là, ça a pris 3-4 ans. J'ai plus jamais entendu parler de cette femme-là. Puis à un moment donné, j'ai bu une bouteille de Jack tout seul. Je me suis retrouvé sur Facebook. Je l'ai adé comme ami, puis j'ai écrit « Hey, tu tiens-tu de moi? Tu m'avais donné ton numéro de téléphone sur Fleury. Tant qu'on se voit? » Puis elle m'écrit « Je me souviens très bien de toi, Toby. Je vais te rappeler. Oh! Ben, voyons donc! Puis là, juste avant de la rencontrer une autre fois, j'étais avec, en char avec mon père. Puis je dis à mon père, « OK, pa, je suis à veille d'avoir une expérience sexuelle incroyable. Je suis à veille de coucher avec une femme qui est plus vieille que maman. C'est une chanteuse pop des années 80, tout ça. » Puis à ce moment-là, il a fait... Une chanteuse pop? Qui ça? Là, je dis Nancy Martinez. Oh! Belle gazou, belle gazou. Puis mon père, il dit « Oh ben tabarnak, est-ce que j'allais fourrer? » J'étais comme... J'avais pas fourré dans ce temps-là encore, là. Mon père, il dit « Je l'ai fourré, calice! » Je dis « Pour vrai? » Il dit « Oui, oui, en 1987, au Manoir des Laurentides à Saint-Dona. » Je suis comme... Ça devait être bon de souvenir le point-là, non? Ça! Éric Carmen sort de ce corps. Ben oui. Non, non, c'est Kevin qui vient de Saint-Dona. C'est Kevin qui parle hey, de Saint-Dona. Juste dire aussi, hier, ça fait des pères. J'aimerais que lui, la relation avec ton père. C'est proche de mon père. T'es vraiment proche. Fait que là, ton père, il était fier de toi, ou? Ben là, j'avais pas couché avec encore. Là, il dit, j'ai couché avec tabarnak en 1987 au Manon de Laurentides. Là, je réfléchis un peu, je me dis, en 1987, t'étais pas encore avec maman? Il a dit, en tout cas, ouais, il a changé de sujet. J'étais comme mon tabarnak. Les lumières sont moins bien timées, hein? No wonder, elle t'a divorcé, mon calice de cochon. Fait que ben là, c'est Nancy! C'est Nancy! Fait que là, ça reste comme ça. Ça reste comme ça. Deux semaines plus tard, je la revois. On se rencontre chez elle. Là, je me dis, mon père, des fois, il dit de la merde, des fois, il exagère, c'est des histoires. Fait que je me dis, peut-être que c'est pas vrai, tu sais, mon père, des fois, tu sais, il dit des affaires qui n'ont pas rapport, comme, tu sais, en tout cas. Je t'aime, Toby. C'est ça! Fait que là, j'étais comme, tu sais, mon père dit de la merde, fait que c'est peut-être pas vrai. Là, j'ai une soirée avec elle, c'est merveilleux. On boit trois bouteilles de vin, man. Elle a une robe, pas de culotte en dessous. Je vois sa snatch, c'est merveilleux. Là, elle me regarde, elle dit, le tu viens d'où? Ça, le film snatch? Elle dit... Avec les vidéos, on sait jamais. Là, elle me regarde, elle dit... Là, elle montre ses vidéoclips des années 80. Je suis comme, t'es plus hot maintenant. Enfin, c'était fucking laid avec ton spray net dans les cheveux. Ça, c'est weird, pareil, hein? Vidéoclip, années 80, and chill. C'est vrai! Ça marche moyen. Puis là, elle dit, ouais, ouais, mais tu sais, je suis pogné dans ce temps-là. J'ai sorti avec John Bon Jovi. Je suis comme, what? Là, elle dit, ouais, j'ai couché avec. Là, elle m'a dit... Avec son pénis, ben... pis tout, là. Mais tout, là! Elle était dans les détails, pis Bon Jovi Green, là, tout ça. Exactement, ça parce que, tu sais, elle est anglophone, cette femme-là, majoritairement. Puis elle m'a dit, ouais, I sucked his big blue cock. Hmm. Même blue? Aujourd'hui, je sais pas ce que ça veut dire. Blue, ouais, je sais. Je comprends absolument rien. Là, je suis comme, ah. OK, t'as couché, ouais. T'as couché avec John Bon Jovi. Puis là, je la questionnais, je me disais, OK, là, elle dit... T'es né où, toi, mon beau Toby? Là, je suis comme à Saint-Dona. Elle dit ah, oh, j'ai fait une série de spectacles en 87 au Manoir des Laurentides. C'est comme tabarnak, c'était vrai! Elle a fourré avec mon père, puis moi, j'ai fourré avec elle. Donc, je suis frère de jus avec mon père, puis John Bon Jovi. Je pense que tu peux aller t'asseoir. C'est mon prochain tatou. Moi, John Bon Jovi, puis mon père, puis c'est dans un carton de jus. Dans un carton de jus, merci beaucoup. Toby Garceau, mesdames, messieurs. Je suis encore sur le choc de l'expression frère de jus. Ben, nous, on disait frère de lait. Frère de lait, ouais. Frère de queue. On a l'expression frère de graines aussi. Non, c'est pas très subtil. On n'a pas partagé de graines, pas d'autres. Non, non. C'est ça l'émission en deux frères, c'est ça, à TVA dans le temps. Ça parle... Ouais. Le groupe de musique des frères de jeu. En tout cas, on a compris qu'est-ce qui vient de se passer. Encore, c'est capoté, hein? Ben écoute, je commence à comprendre ce que Richard dit, qu'il comprend rien, lui. C'est capoté, ouais. Ça veut dire que je vieillis? C'est quoi qui se passe? La prochaine chroniqueur qui s'en vient, Nancy M. N. Martinez. Ouais, ah! Hey. Qu'est-ce qui se passe? Ah oh, ouais, prochain next! Crème, hein, t'es là pour représenter la Terre entière. Merci, messieurs, au house band de Tommy Collin. Collection été 2017 de Dolorama. T'es comme le wet dream de tous les Trudeau. Là. Je peux pas avoir moins de personnalité ce soir qu'en ayant tous. Ben, joyeux Canada Day déménagement Saint-Jean-Baptiste à tout le monde. Fait que toi, t'es pour et contre la séparation. Écoute, je fais chier tout le monde en ce moment. C'est le fun. C'est vraiment la meilleure tenue pour aller dans tous les campings de roulettes du Québec. En tout cas, je vous le conseille. Hey, ce soir, on fait un petit retour avec les quiz de personnalité. Ah, la dernière ouais. fois, je suis passé ici. J'ai pas pu faire celui que je voulais. Fait que je vais en profiter ce soir. Puis comme je sais que tu adores les Triceratops maintenant. Oui. Je vais te poser la question suivante. Étais-tu un fan des Power Rangers? Oui, quand j'étais jeune, j'avais la flûte, le jouet chez nous là, que Jason portait. Ça, c'est à moi, t'as pas le droit de toucher. Fait que toi, tu te rappelles quel Rangers avait le Triceratops comme pouvoir? C'est le bleu, je pense. Ouais. Exactement. Fait qu'on va voir ce soir si tu es le bleu. C'est le gay. Oui, il était full boulé. Il était gay dans la vie, pas dans le... Dans la série, OK? Non, fait que là, il était nerd dans la série. À cause du fait qu'il était gay, ouais, je sais, c'est triste. T'as un stylo pour prendre des notes et tout. Là. Écoute, c'est un test de personnalité scientifique. Fait que c'est quoi? C'est la personnalité de la foule qu'on... Non, ça va être de l'invité, là. Ah, de l'invité, ah, c'est bon, c'est pas que je me crisse un peu de la foule. Je sais pas comment finir ma phrase. Wow! Ben, c'est vrai, Mathieu, il a envoyé chier personne. Ils sont fins. Moi, je suis gentil. Va chier, Mathieu, va chier, man. Toi? Tu peux en manger beaucoup plus que les autres. Bref, je vais te poser une série de questions, puis on va décider ensemble quel Power Ranger es-tu. Okay? Ah! C'est super fantastique. Donc, toi, tu me dirais-tu, est-ce que les gens ont tendance à demander ce qui se passe par la tête parce que t'es quelqu'un de mystérieux? Là? Oui! Non, je suis vraiment pas mystérieux. Ça part je suis mal. Vraiment genre un livre ouvert. Ouais. Non, c'est ça. Quand tu arrives dans une nouvelle situation, toi, est-ce que tu crois que c'est important de croire en toi-même? Non, en fait, moi, je crois en Jésus. Non, je crois en Tommy tout le temps. OK, fait qu'on mon prochain tatou, c'est « What would Tommy do? » Genre, c'est ça, ça serait ça. Toi, là, mettons que tu faisais du sport puis pas juste des stéroïdes. Est-ce que tu serais le capitaine de ton équipe? Ah oui, j'apprécierais être le capitaine. Fait que non. Mais, okay, on passe à la prochaine. Non, mais faut que tu y ailles vraiment spontané, oui. C'est ça, qui assure la rigueur du test. Toi, est-ce que t'es quelqu'un qui croit qu'il faut que tu rentres dans le groupe ou t'es quelqu'un qui dit plutôt, moi, je suis un loner puis il faut que je sors du lot? Là. Je vais aller avec la réponse du loner. Est-ce que tu vas être le loner? Green Ranger, c'est ça. Hein? Quand toi, t'arrives dans une situation où il y a une fille, genre, une fille que tu connais pas, est-ce que c'est toi qui fais les premiers pas pour aller te présenter ou c'est elle? Je vais beaucoup vers les gens une fois que j'ai bu une bière. Avant ça, c'est non. Fait qu'on va y aller avec non, naturellement. Okay, c'est parfait. Il y en a des gens qui aiment ça sortir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis il y a d'autres personnes qui préfèrent garder du temps pour eux-mêmes. Toi, t'es quel des gens? J'aime beaucoup rencontrer les gens, faire des shows. Fait que j'aime sortir, oui. OK. De tous tes amis, tu serais celui qui ferait du parachute, mais qui serait le plus willing. Là, ah, c'était ma bucket list. J'ai fait du bungee, j'ai fait tout ce qui se peut, puis j'aimerais ça faire un jour. C'est bon. C'est que, écoute, commandité, 2 points. On connaît des choses de notre invité. Est-ce qu'il y a des gens qui t'admirent parce que t'es quelqu'un de conviction? Ah, mon Dieu, des gens qui m'admirent, pas ma mère. On passe à la prochaine. Voilà. Est-ce que t'es quelqu'un de wild? Je veux dire, tu sais, dans la vie et de manière fashion. Ah, absolument pas. Ouais, on l'avait remarqué. J'ai un bac en mathématiques actuariat. Ça fait la plus fucking nerd au monde. T'es brun. T'es brun, là. T'es bleu. Je veux dire, Power Rangers brun. Je pense que mon test est brisé. Il n'y a pas de Power Ranger brun. Je peux pas te classer, là. En tout cas, il reste quelques questions. On va voir s'il y a quoi qui sort du lot, là. Est-ce que t'es genre de pleurer dans les films romantiques? Oh my god! Dans toi, on parlait de travailler dans un clip vidéo. Des fois, j'écoutais des films, fallait que j'aille pleurer en backstage parce que j'étais trop touché. Oh. Puis le monde rentrait, puis je comment? C'est cute! Puis je dis backstage, backstore. Backstore, ouais. Sans Delphes. Oui. Déjà, une carrière d'acteur se dessinait. Est-ce que toi, t'es quelqu'un d'observateur? Tu vas voir les choses avant les autres. Je pense que je vais dire oui. J'ai des yeux, ça va bien. T'as des yeux? C'est fait pour voir, j'ai appris ça dans Passe-Partout. Est-ce que les gens à l'école pensaient que tu étais quelqu'un qui était sorteux, là, qui était vraiment quelqu'un d'extériorisé? École secondaire, école univers, plus tard. Si tu me poses la question, c'est clairement non. Ça dépend, plus tard, je suis devenu wild, mais avant, non. On va dire initialement non. On va dire non parce que t'es Power Rangers. Bon, moi, je me remets dans le primaire parce que c'est pas mal le public cible là, pour cette émission-là. Tu sais, si tu vois quelqu'un qui se fait maltraiter, intimider, tu vas-tu aller le défendre? Ou tu vas être celui qui est intimidé? Non! Je le défendrai pas! Tu serais plus alpha, toi! Hein? Je serais plus à encourager la personne qui intimide. C'est comme genre, pouvez-vous le refaire pour mon Snapchat, s'il te plaît? Est-ce que tu crois qu'il y a des règles qui sont faites pour être brisées? Oui. Je parle à part des règles pour calculer. Là, oui, il y a quelque chose dans... Moi, j'aime beaucoup ça. Tu peux me toucher, prendre mes affaires. Ça va être très itinéraire comme phrase. Déchire mon linge. J'ai maintenant une tunique. OK, une dernière question. 3 piastres. Est-ce que tu es tout le temps quelqu'un qui est gentil avec les gens que tu rencontres? J'essaie fort. Oui. Ben, tu sais, j'ai une bonne nouvelle pour toi. T'es comme un mélange du Ranger bleu et du Ranger jaune. Ah! Fait que t'es comme mystérieux, mais sweet. Et asiatique. Et une fille. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. On a appris à mieux te connaître. Ça fait un plaisir. Oh. Il y a des shows rock derrière. Merci à Tommy Colette. Comment ça se passe, son 70%? Je demeure confiant que je donne encore mon 100% à cette soirée. Encore. Show off. Sacrifice. Bois une grande gorgée. Pense à rien, là. Vous, votre Power Ranger préféré, c'est qui? Moi, en fait, j'ai jamais vraiment écouté ça parce que j'étais trop vieux. Moi, c'est le jaune parce que c'est le plus transgenre. c'est vrai, au Japon, c'est un gars, puis aux États-Unis, c'est une fille. Ouais. Mais la majorité des... En fait, les Power Rangers, ils ont tourné les séquences qu'on les voit aux States, mais tous les combats qu'on voit, ça vient des Bioman et de Kamen Super Rider. Super Sentai, en fait. Ben, Super Sentai, c'est la grande famille de ces affaires-là. Mais ça, c'était le nom de la série, genre... Non. Super Sentai, c'est toutes les affaires depuis jadis. Quoi? Moi, j'ai raison, oui. Tommy a raison. C'est la première... Oui, applaudissez-moi! Je suis en train de faire le plein de puissance! Je pense qu'on est rendu au dernier chroniqueur. S'il te plaît, Monsieur Blais. Ah, 3 et 4. Il est où, là? De toute beauté. Oui, j'attendais la place. Ça fait ça à chaque fois. Hein? Merci encore au House Band. Bruno, tu nous amènes une dernière fois dans le monde de l'univers. Oui, une dernière fois. Cette semaine. Joseph Anthony Cruz de Phoenix en Arizona est entré par effraction dans la voiture de son ex-copine afin de la vandaliser, de voler quelques items et d'uriner à l'intérieur. L'homme de 37 ans a aussi décidé de se prendre en photo alors qu'il urinait dans la dite voiture. Photo qu'il a ensuite envoyée à la victime via message texte. L'homme a été arrêté pour vol, entrée par effraction et harcèlement et dommages criminels. Ben oui, mais pour être un crise de calme. Paraît que dans ce char-là, son père et Bonne Jovie avaient aussi poussé dedans. Oui, effectivement. Oui. Bonne Jovie et son Big Blue Car. moi, ça, c'est l'information. Je pense que j'oublierai jamais. Hein, ouais. Peut-être qu'il y a un grand triomphe et un pénis de Bonne Jovie. Ouais, c'est swappé. Puis, je veux dire, Bonne Jovie, il y avait déjà tout. On peut-tu comme y donner une petite bite à un moment donné? Chris? Non. Okay, let's go, on next. Peut pas. Une femme de Waco, Texas, est venue fâchée noire en attendant ses mecs croquettes qui prenaient trop de temps à arriver. La femme a donc décidé de demander à ce que ses mecs croquettes soient gratuites, bloquant le service au volant. Un employé a donc appelé le 911 afin de déloger la femme, mais les policiers sont arrivés plus rapidement de prévu, car ils répondaient déjà à un appel placé par la femme qui voulait que ses mecs croquettes soient gratuites. La femme s'est fait rembourser et a dû quitter sans ses mecs croquettes. C'est... Qui a gagné? C'est vraiment comme match nul. Nous autres. Je pense que oui. On est les seuls gagnants dans cette histoire-là. PFK a gagné. Peut-être. Ils ont-tu un service à l'auto? PFK? J'ai travaillé un soir chez PFK, une fois. J'étais engagé comme cuisinier. Et tout ce qu'ils m'ont fait faire, c'est nettoyer tout le temps la mop, nettoyer des choses. Et j'ai pas retourné. Un exemple de courage. Un exemple de persévérance. Persévérance, hein. Les livres, là. À Modesto, en Californie, Andrew Cheadle était dans une pharmacie Walgreens quand il aurait eu un accident dans ses culottes. L'homme de 45 ans aurait affirmé qu'il était incapable d'enlever ses sous-vêtements suite à l'incident et aurait donc décidé d'utiliser un briquet afin de brûler les 10 sous-vêtements afin de les enlever. Sous-vêtements en feu, Cheadle aurait alors retiré les bobettes. Juste là, on pèse pause. On imagine le gars qui prend son lighter puis qui calisse ses bobettes en feu. Dans une pharmacie aussi. Puis ça marche. Dans une pharmacie. Oui. Souillé et pleine de marde dans les toilettes d'une pharmacie. On est là. OK, moi, je suis là. On est là, avec là. Lui, c'est là. Bon, on est avec... Ça pue en crise. On le vit. OK. Les gens s'en vont. Restez. Cheadle aurait alors retiré ses bobettes et les aurait lancées dans les toilettes, éteignant le feu, créant assez de fumée pour remplir la salle de bain et forçant une évacuation du magasin, bien sûr. L'homme aurait ensuite avoué son malencontreux incident aux employés avant de quitter les lieux. Il a été arrêté quelques minutes plus tard pour avoir crissé le feu dans ses culottes, mais bien pour deux mandats d'arrestation qui avaient été émis à son nom précédemment. Tu vois, hein? La justice réussit toujours. Le karma. Elle prend des drôles de chemin, la justice, mais Chris Casserand. La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. La loi! Merci, Bruno. Oui, merci beaucoup. Non, on applaudit Bruno une petite dernière fois. Ah, ça apprécie. Hey, chez Jacques Coutu, on trouve de tout. Même un ami, même des bobettes pleines de merde en feu. Ah, peut-être qu'il les a flushés, par contre. Oui. En plus, une balle qui flush. Ouais, peut-être que ça est allé le jammer à la toilette. On sait pas c'est quoi la suite de cette histoire-là. Non, la pauvre toilette. C'est ça, pauvre toilette. Sinon, est-ce que Mendoza et Enzo sont dans la salle? Oui, je pense que c'est là. Donc, à partir de maintenant, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. On a un petit complément de programmation. Ouais, venez-vous-en. Peut-être, Mathieu, si tu peux te tasser ça. Merci beaucoup, Pierre-Luc Racine. Si on veut te suivre, c'est Trois Bières, c'est sur Facebook, site internet. Oui, troisbières.com, iTunes, Google Play, YouTube. Vous pouvez m'ajouter sur Facebook, Pierre-Luc Racine, et sur Twitter, à commercial Pierre-Luc. Instagram, à commercial Pierre-Luc. Yay! Et voilà. Merci beaucoup. Lève-toi, on va tasser la table ici. Mendoza, Enzo, venez faire un tour. C'est là que ça se passe. Oh, we're living the dream. Yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla. De toute beauté. Merci beaucoup à notre house band, Guillaume Blais, François Durand-Lot. Quelle expérience. On n'a pas assez de deux oreilles pour encaisser tout ce qui se passe ce soir. Vous ne connaissez pas les deux gentlemen qui viennent de me rejoindre sur le stage. Et ce nonobstant, ça va continuer ici. Venez par ici d'un petit peu. On est en direct sur les internets. Hein, faites salut. Allô. Gatitez-vous, là. C'est ça qui est en train d'être diffusé. Ça va bien, Tommy? Hey, ça va, Mendoza? Je voulais te féliciter pour ton beau programme. Oh, taquin. Tu sais tellement comment me parler. Tu nous as amené... tiens, je t'ai payé une bière. Oublie pas de tiper la serveuse. On l'aime tellement. Salut Valérie. Allô. D'ailleurs, je me demande. Approuver qu'elle était fertile. Ça, c'est un on. Je suis un des premiers rappers qui passe 70%. On a eu plusieurs rappers. On a eu un show avec Trunk 25. Je sais pas si tu connais. On a eu aussi l'escalier du nouveau rapper l'année passée. Mais je te dirais, t'es le premier rapper qui fait ça. Sérieusement. Le premier qui ressemble pas à un rapper, finalement. Et voilà. Sinon, ben là, t'es ici ce soir pour nous présenter ton nouveau clip. Ben là, c'est un plaisir. T'es venu tourner ça chez moi avec Enzo il y a quoi? Ça fait un mois à peu près? Environ. Peut-être qu'on peut laisser le micro à Enzo un petit peu pour nous parler des défis qu'il a rencontrés dans cette aventure. Est-ce que t'as réussi à passer la porte qui était guettée par le Sphinx? Ouais. Après t'avoir passé, c'était bon. Ouais, voilà. Ouais, c'est souvent moi le pire. Et puis, sinon, ce clip-là, l'idée, t'es venu de où? Non, mais l'idée, c'était à 3 mètres de chez moi, parce que t'habites à 3 mètres de chez moi. À force de porter mes sacs d'épicerie, puis de voir Musée de l'Absurde, j'ai... Parce qu'il y a aussi une photo du Eddie Murphy, professeur. Oui, oui, le Nigo le professeur. J'ai volé ça aux Zellers de Val-d'Or en 1998, à peu près. Là. Ouais. Tenez-vous un petit peu par ici, parce que là, check, hein, on est là, c'est ça. Ah, on a tellement l'air présent. Et donc, le vidéoclip qu'on va voir, c'est toi qui l'as fait de A à Z, t'as filmé, t'as eu l'idée. Ouais, c'est vraiment fait à l'instinct, comme le rap de Mendo, comme chez toi, j'ai l'impression que c'est tout ce qui se fait à l'instinct, puis... Et voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Est-ce que t'as un site internet si on veut suivre tes autres productions? Non, mais vu que les trois quarts sont pour Mendoza, vous pouvez aller sur le site de Mendoza. Ah, tu t'es trouvé un sous-fifre, j'aime ça. Vous voulez même pas venir. En fait, je connais pas ce gars-là. Il vient de Toulouse. Il est ici pour un mois. Il a décidé de faire mon clip. Mais le site, c'est aspemendoza.com. Et voilà. Mais pour de vrai, aller voir les projets d'Enzo aussi. Il travaille fort, ça fait longtemps. Il travaillait là-bas en France, puis il est établi ici maintenant. Puis c'est mon équipe, avec David qui est en arrière aussi. Donc, oui, salut David. Scale. Sinon, ben, à partir de maintenant, Mendoza, est-ce que tu veux dire quelque chose? Inviter les gens à te suivre d'une certaine manière? C'est la suite d'un projet, puis ça, c'est le premier extrait visuel du projet. C'est ça, l'Amérique, volume 3. OK. Puis les deux autres sont sortis, genre, il y a quelques années. Puis là, j'ai attendu un peu parce que, genre, j'écœurais un peu les gens. Ça fait 20 ans que je fais ça, puis je suis pas encore connu. Fait que c'est très douteux, tu sais. Ah, écoute. Mais justement, on arrive en force avec le volume 3 cette année, 2017, Aspect Mendoza. A-S-P-S-C-T, Mendoza.com. Et voilà. Merci beaucoup. Voilà. Bon, ben, à partir de maintenant, je pense que je te prends ça. Allez vous rasseoir. Merci. Hey, on va fermer les lumières et en grande première, on va vous dévoiler le nouveau clip de Mendoza. Ça s'appelle La Patente. Je suis dedans, peut-être. We're in International Studios and we want to thank all of the disc jockeys for playing our records wherever you may be, from the north, south, east and west. T'es pas de calibre, retourne donc faire ta ligne. Tu vas voir Mendo est pas mal fataliste. Fais ta liste d'épicerie pis t'es fait à l'os. J'ai un os de caractère, c'est ce qui fait la force, on sait. Fais ta voix par des patentes à gosse. Tu peux pas nier, ils t'ont pogné la main dans sa coche. Un mix de déchets humains pis de baleines à bosse. Ok, moi je me paye ta tête, toi tu payes la broche. J'ai des punchs qui t'accrochaient, personne s'en approchait. Fait qu'il y aura sûrement pas de featuring sur mon prochain projet. Aspect, avancez aussi pendant que vous dormiez. J'm'en crisse, moi j'étais élevé par rap New York, elle est Dorado. J'ai rien à voir avec eux autres, ça pas rapport. J'veux rien savoir, j'ai jamais apparu dans vos radars. J'ai toujours la même vision dans mon panorama. Ma relation avec le rap, c'est pas parce qu'il est encore à mode. J'ai plus confiance, tourne dans cette patte à langue. Avec 100 ans d'avance, j'ai plus confiance. On est de pognés dans patente. Au-delà de toute attente, on a les yeux plus grands que la France. Montréal jusqu'à Caraquette. Bienvenue dans mon cypher, dimension parallèle. Puis dis-moi donc qui rappe vraiment à l'aise. De Papineau, que tu sais, puis du flow, puis tu t'en rappelles, un phénomène rare. Y'en a qui sont pas faites fort, on accumule puis on explose. Quand ça pète, pow, on respire l'exhaust, le gaz c'est ton nectar. J'suis fait en vectoriel puis traîne avec tort. Dans mes souliers, faudrait que tu marches même plus qu'un nectar. Ici donc commence à boire de bonheur puis on rectar. Oh puis fuck off, appelle-moi donc MC Ron Extar. J'traîne pas avec les gars qui pensent qu'ils sont Christor. Pour ceux qui en doutaient, j'ai vu souvent le fond de la bouteille. J'avais plus que ça goûtait, puis les souvenirs qui se raboutaient. Avec la violence gratuite qui en découlait, des affaires qu'on pourrait même pas raconter dans des couplets. J'ai plus confiance, tourne dans cette boîte à langue. J'ai plus confiance, ils nous ont eu avec 100 ans d'avance. J'ai plus confiance, on est tous pognés dans patente. Au-delà de toute attente, on a les yeux plus grands que la pince. J'ai plus confiance, tourne dans cette boîte à langue. J'ai plus confiance, ils nous ont eu avec 100 ans d'avance. J'ai plus confiance, on est tous pognés dans patente. Au-delà de toute attente, on a les yeux plus grands que la pince. Et voilà, c'était Mendoza, s'il vous plaît. Vous allez partager ça quand vous allez le voir passer sur votre feed. À partir de maintenant, ben, c'est pas mal la fin de 70%. Il reste juste une performance parce qu'on vous aime de notre house band génial, l'excellent Guillaume Blais, accompagné de François Durand-Lot. Messieurs, et puis juste après, on passe en clip. Hein. Vous savez comment ça marche, on va avoir des projectiles. Chris, que vous êtes cool. On est là lundi prochain, puis tantôt encore. Merci. Je te regarde partir avec ton sourire, sans rien dire, j'ai envie de mourir. Me réveille dans le fossé sans personne pour pleurer ma peur. J'attends juste de crever comme un chien, la gueule ouverte. J'ai oublié mon nom, mais la seule chose que je sais, tu me détruisais, détruisais. Ouais! Le soleil se couche sur ta ville louche, pis j'marche toute croche, j'ai rien dans les poches. J'me réveille dans le fossé sans personne pour pleurer ma perte. J'attends juste de crever comme un chien, la gueule ouverte. J'ai oublié mon nom, mais la seule chose que je sais, c'est décrissé, décrissé. C'est un visage pâle, plein d'hormones molles, qui gueule, qui chiale jusqu'au last call. Me réveille dans le fossé sans personne pour pleurer ma perte. J'attends juste de crever comme un chien, la gueule ouverte. J'ai oublié mon nom, mais la seule chose que tu sais, je suis décrissé, décrissé, oh! Décrissé, décrissé. Hey, je t'en fais un autre, douteux, c'est-tu l'autre côté de la vie? Une chance que j'ai, tous ceux-là que j'aime. Quand ils sont là, j'ai plus de problème. Chaque fois, je peux retrouver courage de prendre tout plancher. Malgré toutes les épreuves qui m'écorchent, mais mon air font que je m'accroche, que je résiste à mes envies pour l'autre côté de la vie. Mais l'autre côté de la vie m'attend dans le détour. Je sais pas si la chance me sourit ou si c'est que la vie me joue un tour. Chaque moment est propice pour qu'en un instant on glisse sans avertir, sans faire de bruit de l'autre côté de la vie. Vas-y, François! Que t'es tombé, ce qui compte c'est que tu t'en relèves. Pas de blâme et ton passé jusqu'à temps que tu crèves. La vie vaut pas tous ses tourments si on se torche pas face de temps en temps. Santé tout le monde! Qu'on réclame à grands cris l'autre côté de la vie. L'autre côté de la vie m'attend dans le détour. Je sais pas si la chance me sourit ou si je me fais joint tout. Chaque moment est propice pour qu'en un instant on glisse sans avertir, sans faire de bruit de l'autre côté de la vie. De l'autre côté de la vie. Merci, merci, bonne fin de soirée. Allez checker Blé entier, hein? On l'aime, Guillaume. Hey yo, what up, c'est Dirty Taz, a.k.a. le Super Sexy MC, a.k.a. le Black Brad Pitt. T'écoutes le 70%, tu connais le time, mon gars. Hello, my name is Michel Libier from UKM Internet in France. My job is tough. I do the troubleshooting with Bluetooth, wireless internet, cards, although it doesn't work properly quite often. When I'm finished, tired and breathless at my house, I French my spouse and listen to 70%. 70%. La la la la. La la la la. Hey, salut tout le monde. Je suis très content d'être revenu. La semaine passée, j'étais pas là pour des raisons presque parfaites. En fait, j'ai été choisi par le public. Le Québec voulait plus de Tommy et ceux qui m'ont déjà vu en fait Calvados vont avoir très peur de l'émission qui s'en vient. Yeah! Ça devrait passer autour du mois de décembre dans votre télévision. Donc voilà, j'ai été la fée Calvados à la TV. Il est trop tard pour reculer. J'aime mieux vivre avec des regrets que des remords, ouais, hein, quand tu fais quelque chose à la place de ne pas le faire. Donc voilà, c'est fait. C'est ce qui explique mon absence la semaine passée. Mais je suis très content d'être de retour à la barre du meilleur show gratuit du lundi au monde pour vous divertir, vous ainsi que ceux qui nous écoutent en ligne. Bonjour. Encore une fois, c'est de bon ton de commencer en remerciant l'équipe technique, Sia du Mallette, ainsi que Potvin et Sirois, les trois magiciens de la console, sans qui rien de tout ceci ne serait possible. Oui, merci beaucoup tout le monde. On va en reparler, vous vous en sortirez pas de même, on va vous remercier encore. Et ben c'est ça, ça va être une soirée quand même assez chargée. Ça va se terminer par la version française, finalement, d'un film qui s'appelle Super Fights. Et c'est un film qui date de 1990, tranquille. Et c'est un petit peu dans le giron de ce qui se passait à l'époque dans la lutte. Il y avait des scandales de stéroïdes un peu partout. Et vous allez voir que c'est une thématique qui revient. Il y a une fille kidnappée et il y a beaucoup, beaucoup de pieds dans beaucoup de visages. Donc, on adore ces genres de films-là. On est très contents de vous présenter ça. Ça va être précédé d'un set de VJ qui est créé de main de maître par Emmanuel Côté-Séguin et son sous-fifre que l'on connaît sous le nom de Ben. Jouais-tu Eric? Ben oui, hey, on a-tu déjà été coloc, toi puis moi? Hey, ça fait longtemps, en asti, hein? Toi, tu te ramassais, toi, t'étais cool. Sinon, ben, juste avant ce set de VJ, on est très content d'accueillir Mendoza et son crew. Mendoza, il a tourné un clip au Musée de l'Absurde, entre autres, et il va le lancer ici avec nous. Ça devrait être quelque chose de très plaisant. Mendoza, qui est atteint de sympathisme chronique, donc vous allez le rencontrer tantôt sûrement. Sinon, ben juste avant ça, ça va être un 70% avec comme invité Pierre-Luc Racine du podcast Trois Bières. On est très content de le recevoir. On va lui demander comment il fait, lui, pour en faire juste pendant un an et être connu partout. Ça va peut-être nous donner des trucs. Sinon, ben juste avant, on devrait avoir une humoriste du nom de Saki qui va venir nous divertir pour débuter la soirée. Et aussi, ben je veux saluer la présence de notre ami Guillaume Blais, qui est de retour encore une fois en house band. Cette fois-ci, il a amené quelqu'un d'expérience, un certain François, qui va venir le flanquer. Donc, je pense qu'on est prêt. Saki, qui s'en vient? S'il vous plaît, mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir, notre humoriste de la soirée, ou en tout cas monologuiste, si elle nous fait pas rire. C'est pas grave. Saki, viens-t'en! Hiya, Bobby. Hi, Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Bonsoir. Je m'appelle Michael. Aujourd'hui, je viens vous présenter un nouveau gadget. Après plusieurs années de recherche, Japan International Technology a enfin réussi à créer les possibles. Oui, je vous présente, pour vous mesdames, l'homme idéal. Visiblement, il n'a pas l'air de pouvoir faire l'amour. Mais malgré tout, il surpasse 95% des hommes. C'est plus qu'un homme, parce qu'il est capable de faire deux choses en même temps, comme parler bandé, dormir bandé, manger bandé. Vous allez l'adorer. Il exécute tout ce qui finit en âge. Ménage, lavage, repassage et culinégage. Oui, le vrai culinégage. Celui que vous n'avez pas besoin de simuler la joie que vous aurez dû avoir. Et aussi, il est très bien dompté. Il exécute tout ce que vous lui demandez. Donc, une fois qu'il a terminé de classer vos chaussures en ordre alphabétique de couleur, il vous dit « Je t'aime ». Lorsqu'il a terminé de vous faire l'amour, il vous dit « Il ne dit rien, il vous écoute parler ». Ce comportement révolutionnaire est possible grâce à l'ajout d'un deuxième cerveau, au premier déjà existant. Grâce à celui-ci, il a une très bonne mémoire. Même lorsqu'il a peu de sang au cerveau, il n'oublie pas votre nom. C'est grâce à ce deuxième cerveau qu'il peut réfléchir aussi rapidement que la femme et ainsi mieux la comprendre. Donc, si votre femme dit « Chérie, je pense que la cuisine est trop petite », immédiatement, sans réfléchir, il est capable de vous répondre. Tu as raison. Il nous faut une nouvelle maison. Contrairement, il n'est pas comme un homme ordinaire qui vous aurait répondu. Hey babe, c'est pas la cuisine qui est trop petite, c'est toi qui as pris 20 livres. Cette situation est chose du passé. Car grâce à l'homme idéal, vous n'aurez plus besoin de surveiller votre poids santé. Il suffit de le chevaucher pendant 5 minutes, 30 fois par jour. Il est programmé pour répondre à 3 règles très strictes. Règle numéro 1, toujours s'assurer que le siège de la toilette est baissé. Règle numéro 2, toujours s'assurer que les chaussettes sont ramassées. Règle numéro 3, si la femme est de mauvaise humeur, allez vérifier les 2 premières règles. Pour assurer la fidélité de l'homme, son membre est muni d'un scanner, donc il devient ferme uniquement lorsque votre empreinte vaginale est détectée. Ainsi, vous pouvez le partager sans crainte avec une amie, car elle ne peut le réutiliser sans vous. De plus, son membre est détachable pour un rangement plus facile dans la sacoche. Et il est garanti à vie. Même après plusieurs années d'utilisation, il reste toujours prêt et ferme, et cela sans Viagra. L'homme idéal a été conçu selon le proverbe japonais « Le plaisir d'une femme est plus important que celui de 4 hommes ». Faites attention, vous devez conserver votre mari, parce que l'homme idéal n'est pas programmé pour bouder, ronfler et péter. Merci. Salut, mesdames et messieurs. Tu veux participer à l'évolution de Productions Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@commercial-icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. Je vais essayer ça. Hein? Non, mais ça paraît que je suis un début de guerre. J'aime ça. Alors... Alors, vous êtes 70%! All right! Salut les douteurs! Yes, j'espère que vous avez passé une belle soirée accompagnée de nos clips. Essayez de ne pas me péter une cheville sur les projectiles. All right! C'est le moment de la soirée de sortir votre portefeuille et donner généreusement pour une bonne cause, c'est-à-dire faire vivre le douteux. On va y aller pour un encan. Et j'ai 2 lots ce soir, 2 lots d'une qualité particulière. Vraiment, là, on a visé haut. En tout cas, une certaine hauteur ce soir. On commence en force avec un prix d'une valeur. Là, c'est écrit ici. Là. J'invente rien. C'est écrit ici. 21,79. Attends de savoir c'est quoi. C'est l'autobiographie de Margaret Trudeau. En libre équilibre, la mère de notre sauveur. Alors, on commence les enchères à 50 cents ici. On a un 10$ dans le fond. On a un 10$. Alors, on a un 10$. Qui dit mieux? Est-ce qu'on a 10,50$? Est-ce qu'on a 10,50$ juste pour le faire chier? 10,50$? 10,50$? Non? 10$ une fois? 10$ deux fois? 11$! J'ai 11$ ici! Est-ce qu'on me donne 12$? J'ai 12! Est-ce que j'ai 12? Oui? Excellent, alors j'ai 12$! Est-ce qu'on me donne 13$? J'ai 12$ une fois. 12$ deux fois. 12$ trois fois vendu! Et le clou du spectacle, et non le moindre, un jeu... pour toute la famille. Le doctorat. C'est écrit « Gagner la course au diplôme au hasard de vos connaissances ». Si tes connaissances sont hasardeuses, c'est une drôle de façon de le dire. Alors, on commence les enchères à 2$. Je tiens à dire, c'est de 2 à 12 adultes, de 14 à 114 ans. C'est un investissement à long terme. Alors, j'ai 2$. J'ai 2$. Est-ce qu'on me donne 3$ pour ce magnifique jeu? C'est un excellent jeu. C'est un excellent jeu. J'ai 3$. Excellent. 4$. 4$. Est-ce qu'on me donne 5$? 5$. Est-ce qu'on me donne 6$? 6$. Est-ce qu'on me donne 6$? Oui. 7$. J'ai 7$. 7$. Alors, j'ai 7$. Est-ce qu'on me donne 8$? J'ai un 8$ dans le fond. C'est toi qui t'es sur enchère, c'est pas grave, 8$, ça te prendra. $8, est-ce qu'on me donne $9? 9 beaux gros dollars. 9 $! Il y a des amitiés qui vont se briser dans ce coin-là tantôt. Alors, j'ai $9, est-ce qu'on me donne $10? Un beau $10. J'ai $10 ici, voilà! $10. Est-ce qu'on se donne $11? $11, j'ai $10. $10 une fois. $10 deux fois. $10 trois fois vendu! Des heures et des heures de plaisir, ça. Alors, je vous laisse entre les mains de Tommy Godette, parce qu'il y a toujours quelque chose à dire. Hein? T'as quelque chose à dire? Je vais te faire un bruit de fond pour toi. Tu tiens pas dans le bon bord. Tu tiens de... Ça va dans... Non, mais... Tu tiennes comme ça. Il me semble qu'on a déjà eu cette discussion-là. Hey, Emmanuel, je te remercierais de baisser l'écran tranquillement. Merci beaucoup, Emmanuel Côté-Séguin, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Non seulement il est venu faire l'enquête et on a ressorti plus de 2000% de ce que je pensais qu'on était pour avoir, mais en plus, il a fait le VJ toute la soirée avec son chum Ben. Ben, c'était pas sa... Ouais. Ben, c'était pas sa première fois. Est-ce qu'on a aimé ça overall? OK, je vous sens tiède. Est-ce que je vous dis que la prochaine fois, je pensais mettre Ben tout seul en solitaire? Ouais, OK. En tout cas, j'ai entendu sa gang être vraiment content. Est-ce que vous êtes manipulable? Je veux juste que vous sachiez que votre opinion n'a absolument en rien influencé mon choix de doutologue en chef sobre et très, très calculé. Et très, très calculé. On va écouter quelque chose que finalement on a en version française. J'adore ça, j'ai déjà écrit un texte. Comme dans le temps. Si, c'était capoté. Je faisais imprimer quelque chose dans le temps. Super Fights. Pas de joke. Le film qu'on va regarder, ça date de 1995. Si on parle en année Terminator 2, le film a 4 ans. Si on parle en année Star Wars, le film a 18 ans. Calvaire, ça n'a pas de bon sens. 17 ans, c'est vrai. C'est un long métrage américain qui se voulait à la base une critique des sports de combat. L'histoire est fortement inspirée du scandale de la WWF, qui est maintenant la WWE, on s'en crisse. À l'époque, il y avait un scandale de stéroïdes. Hulk Hogan a déjà testifié devant le Congrès qu'il ne prenait pas de stéroïdes. Et plus tard, il a dit « Ben, je voulais dire que je prenais pas de stéroïdes illégaux. » Il faisait juste prendre des stéroïdes légaux. Ce qui est vraiment la même affaire que de pas en prendre. Jack Cody est un adolescent de 28 ans aux motivations au singulier. Un jour, il sera payé pour botter. Ça donne bien parce que dans les Super Fights, série de ce qui serait un petit peu le MMA dans un monde saucé dans le butterscotch raciste, se cherche du 109. Et tout le monde a déjà goûté le butterscotch raciste. Voguant de montage d'entraînement en montage d'entraînement, Cody va rencontrer l'amour et plusieurs stéréotypes de combattants. Jusqu'à ce qu'il en vienne aux mains avec Vince McMahon, le méchant du film. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit Vince McMahon, je me sens fâché. Sérieusement, quand je l'ai vu il y a quelques semaines, j'étais dû pour voir ce genre de film-là. Tout ce bottage sublime et ses dialogues à la guimauve. C'est tellement beau. Le tout est bercé par une toune thème originale catchy afin de bouder Régal égal égo dans un coin pour toujours. Régal égal égo. Vous allez avoir la toune dans la tête, je vous le jure. C'est pas moi qui ai fait le film. C'est des gens que je me rappelle pas c'est qui. Et c'est peut-être tant mieux pour leur famille. On va écouter. Sérieusement, on est passé -8. sais pas si t'as commandé ta tournée de shooter pour tous tes chums, mais on commence un voyage, tu sais, comme dans Vitesse ridicule, vitesse calissement douteuse, là. Le gars va botter. Va botter et botter et rebotter. Hostie que j'aime ça, c'est la beauté de la chose. Hashtag le naufrageur. Donc, dès que j'ai fini de parler... Salut Pascal! C'est grâce à lui qu'on l'enfrage. C'était mon nouveau meilleur ami préféré, hein? Hein? Si je pouvais te donner un enfant, on l'appellerait Bill Baxter. Fait que là-dessus, Mathieu va passer une caisse. Puis moi, c'est Tommy. Si tu trouves que j'ai été déplacé, viens me voir lundi prochain ici, on va en parler. Hein? C'est sûr que je vais trouver le temps pour qu'on en parle. Ah, un petit dernier à l'équipe technique. Olivier Sirois, oui. Stéphane Mallette, Mathieu Potvin. La magie ne peut exister sans ficelle qui tient la tête du magicien Mayol. On commence le film, là. C'est vraiment crissement bon, là. Commence le film. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Et voici maintenant le